الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى فرض علينا حج بيته الحرام وهذه العبادة العظيمة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرجه البخاري ومسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فحج بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام العظام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا وهذا الأمر الفرض اللازم لا يجوز أن نتأخر عنه إن قدرنا عليه قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فحج بيت الله الحرام فرض واجب لازم على الناس فرض واجب وهو حج بيت الله الحرام فهذا الدين دين الإسلام الذي رضي الله عز وجل عباده ينبني على خمسة أركان منها حج بيت الله الحرام فرضه الله عز وجل في السنة التاسعة من الهجرة فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة حجة الوداع في سنة عشر من الهجرة فيجب على المسلم أن يبادر بأداء حج بيت الله الحرام الحج الواجب مع الإمكان ويأثم إن أخره بغير عذر أو بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد فالمسلم البالغ القادر الذي يتمكن من أداء الحج جسما وماديا بأن يتحمل مشاق السفر ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا ويجد ما يكفي أسرته ومن تلزم نفقتهم إلى أن يعود إليهم وهذا بعد قضاء الديون إلا إن سمح بذلك هذا لا يجوز له ويتأخر عن فريضة الله عز وجل حج بيت الله الحرام. أما من قدر بماله ولم يقدر بجسمه عليه أن يوكل من يحج عنه، عليه أن يوكل من يحج عنه كالكبير الذي لا يستطيع السفر أو المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فهذا يقيم من يحج عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة فقالت أو جاء قالت امرأة من خثعم: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فحجي عنه. رواه البخاري ومسلم. ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه، أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما سمع رجلا يقول، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. فقال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم عن شبرمة. ويشترط شرطا زائدا على نساء المسلمين إن أردنا الحج، وهو وجود المحرم الذي يسافر معها. ففي الصحيحين أن رجلا أراد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسجل نفسه في كتيبة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجته خرجت للحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج مع أهلك، انطلق وحج مع زوجتك. فالمرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل وترجو الأجر والآخرة عليها ألا تسافر، وعليها ألا تسافر إلى الحج إلا مع ذي محرم. فهذه عبادة عظيمة، والله ربنا عز وجل ما أوجدنا من العدم إلا لتحقيق هذا الهدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فما أكرم ربنا تبارك وتعالى، قبل قليل خرجنا من موسم عظيم شهر رمضان، وها نحن أمام شهر كريم شهر ذي الحجة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الحج وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، شيخ سشك الله تبارك وتعالى nous a ordonné d'accomplir le pèlerinage. Et sachez qu'il fait partie, que cette adoration fait partie des plus grandes obligations et des plus aimées auprès de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans Sourate Ali Imran, selon la traduction, et c'est un devoir, et c'est un devoir que les gens ont envers Allah d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. C'est un devoir, c'est-à-dire que c'est une obligation. C'est une obligation qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonnée. Et celui qui mécroit, certes Allah se passe largement des mondes. C'est donc une obligation d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette religion qu'Allah tabaraka wa ta'ala a agréée pour nous, chers frères, repose sur 5 grands piliers, sur 5 grandes fondations. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, l'islam repose sur 5. Le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité qui mérite réellement d'être adorée excepté Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, d'accomplir le pèlerinage et de jeûner le mois de Ramadan. Le pèlerinage est donc une des actions les plus aimées chez Allah tabaraka wa ta'ala, un des grands fondements de l'islam et une chose que nous n'avons pas le droit de retarder si nous en avons la capacité. Cette obligation a été ordonnée et décrétée en l'an 9 après l'égir du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce dernier sallallahu alayhi wa sallam a effectué le pèlerinage une fois dans sa vie en l'an 10 de l'égir. Tout comme il a effectué 4 umrah, il a fait 4 fois al-umrah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce pèlerinage, peu de temps après il est décédé, on l'appelle le pèlerinage d'adieu. Abu Hurayrata radiallahu anhu nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, Allah vous a ordonné le pèlerinage, effectuez-le donc. Et nous n'avons pas le droit de le repousser d'une année à une autre si nous en avons la capacité. Celui qui est musulman et qui est pubère et qui a la capacité d'effectuer le pèlerinage n'a pas le droit de le retarder sans excuse valable dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: empressez-vous d'accomplir l'obligation d'Allah, le pèlerinage, car l'un d'entre vous ne sait pas ce qui peut lui arriver. Il se peut que tu tombes malade, afan Allah wa iyak. Il se peut que tu sois touché par certaines occupations ou la pauvreté. Donc si tu as la capacité, empresse-toi d'accomplir le pèlerinage sincèrement pour Allah, en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est capable, c'est-à-dire qui a les moyens physiques et financiers, celui qui a les moyens physiques et financiers, qui a trouvé les moyens d'aller au pèlerinage et qui a les moyens de laisser ce qui suffit à sa famille en son absence et qui n'a plus de dettes, sauf si ces derniers lui permettent de partir malgré tout, a l'obligation de s'empresser d'effectuer le pèlerinage. Il a l'obligation d'effectuer le pèlerinage. Qu'en est-il, chers frères, de la personne qui a les moyens financiers mais qui n'a pas la capacité physique? À l'image de la personne qui est âgée, elle est âgée et elle n'a pas la capacité de voyager, mais elle a les moyens d'effectuer le pèlerinage. Les savants nous disent, hafidhahumullahu ta'ala wa rahimahum, qu'elle doit déléguer une personne qui va faire le pèlerinage pour elle et lui donner pleinement les moyens d'effectuer le pèlerinage à sa place. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit qu'une femme est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: Ô messager d'Allah, mon père a atteint un âge avancé au point où il ne tient plus sur la monture. Il ne peut plus voyager. Il ne tient plus sur la monture. Et l'ordre du pèlerinage lui est venu. Puis-je effectuer à sa place le pèlerinage? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: accomplis le pèlerinage pour lui. Accomplis le pèlerinage pour lui. La personne qui a la capacité financière, mais qui n'a pas la capacité physique, car elle a atteint un âge avancé par exemple, ou bien elle a une maladie qu'ils appellent incurable, une maladie dont nous n'espérons plus la guérison. Wallahu ala kulli shayin qadir. Ce genre de personnes doivent déléguer et donner les moyens à une tierce personne d'effectuer pour elle le pèlerinage. Et on conditionne à la personne qui fera le pèlerinage à notre place qu'elle ait déjà accompli le pèlerinage de l'islam, son obligation. Et parmi les choses répandues auprès des nôtres, c'est le fait que l'enfant, bien qu'il soit pubère, qu'il soit capable, qu'il ait les moyens financiers, il donne l'argent à son père et l'envoie au pèlerinage. alors que lui-même est préoccupé par cette obligation, alors que lui-même a l'obligation d'effectuer le pèlerinage. Donc s'il a les moyens qui suffisent pour une seule personne, il doit le faire lui-même tant qu'il n'a pas accompli le pèlerinage de l'islam. Et si ses parents n'ont pas les moyens, alors ils n'ont pas l'obligation d'aller au pèlerinage. Et si lui a les moyens pour sa personne et pour l'un de ses parents, alors les savants nous disent qu'il accomplit le pèlerinage pour lui-même et qu'il emmène sa mère en premier lieu au pèlerinage, car le droit de la mère est le plus important. Et si ses parents sont décédés, alors il lui est recommandé d'effectuer pour eux le pèlerinage, s'il l'a déjà accompli pour lui-même. Et il commencera par sa mère, pareillement, car son droit est le plus immense. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, nous dit que le prophète, alayhi salat wa salam, a entendu un homme rentrer dans le pèlerinage. Et il a formulé qu'il allait accomplir le pèlerinage pour une personne qui s'appelle Shuburuma. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Oh un tel, est-ce que tu as déjà accompli le pèlerinage pour toi-même ?» Il lui a dit non. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, « Accomplis le pèlerinage pour toi-même et ensuite tu le feras pour Shuburuma. » Donc nous avons l'obligation de faire le pèlerinage pour nous-mêmes en premier lieu. Et ensuite, il est recommandé de faire le pèlerinage pour des parents décédés par exemple ou pour d'autres personnes. Et il y a une condition en plus, il y a une condition en plus qui est particulièrement adressée aux femmes de notre communauté, hafidhahunallah wa iyana, c'est qu'il leur faut un mahram pour effectuer le pèlerinage si cela nécessite un voyage. Si elles doivent voyager pour faire le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal, alors elles doivent être accompagnées d'un mahram. Car le prophète alayhi salat wa salam nous enseigne cela également dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, ô messager d'Allah, je me suis inscrit avec toi dans ton armée. Mais mon épouse est partie au pèlerinage. Savez-vous ce que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a répondu, dépêche-toi de rejoindre ton épouse pour faire avec elle le pèlerinage. Intaliq. Dépêche-toi de rejoindre ton épouse et accompagne-la au pèlerinage. Effectue le pèlerinage avec elle. Si cela n'avait pas été une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas prononcé ces mots sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit à travers la multitude d'ordres et d'obligations, ces choses pour lesquelles nous avons été créés serviteurs d'Allah, on voit la grande miséricorde d'Allah envers nous. On voit la noblesse d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa grande faveur envers nous, car il nous a créés que pour l'adorer. Et il nous met de temps à autre des moments où l'adoration est préférable. Comme le mois de Ramadan, nous venons de sortir du mois de Ramadan et de Eid al-Fitr, et nous voici très proches du mois de Dhul-Hijjah, ce grand mois qui renferme le pèlerinage à la maison d'Allah Azza wa Jal, la maison sacrée, ce grand mois qui renferme les 10 meilleurs jours de l'année, ce grand mois qui renferme le jour de Arafah, le jour, et également il renferme le jour du Hajj al-Akbar, il renferme le jour de Eid al-Adha, il renferme de nombreux bienfaits, Ayyam al-Tashriq, il renferme les moments où la délégation, où les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, qui ont reçu cette grande noblesse, voyageront pour effectuer le pèlerinage à la maison sacrée. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous joindre à ceux qui effectueront le pèlerinage sincèrement à la recherche de son agrément et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici une des adorations les plus aimées chez Allah tabaraka wa ta'ala et qui renferme le plus de biens et de bénéfices. À titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que celui qui effectue le pèlerinage convenablement ou parfaitement, il reviendra comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Il nous dit également que le pèlerinage n'a pas d'autre récompense. Le pèlerinage parfaitement effectué n'a pas de récompense si ce n'est le paradis. Si ce n'est le paradis, il nous faut donc être bienfaisants envers nos propres personnes et ne pas être avares envers nos propres personnes. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et certes Allah Azza wa Jal est le riche qui se passe largement des mondes, et nos adorations ne seraient lui apporter augmentation à son royaume et à sa puissance subhanahu wa ta'ala. فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُعِينَنَا عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام بإخلاص النية واتباع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. En outre, chers frères, Inch'Allah ta'ala, nous allons dans la mosquée installer une sono qui nous permettra, Inch'Allah ta'ala, de profiter pleinement des lectures du Coran et des enseignements. Donc on demande aux fidèles de faire un effort. Il nous faut la somme d'un peu plus de 2000 euros pour équiper convenablement la mosquée et les alentours, afin que ceux qui sont à l'intérieur entendent parfaitement, mais également ceux qui se trouvent à l'extérieur. Et par la suite, comme il nous est parvenu que les femmes n'ont pas entendu madha khutbatul Eid, Inch'Allah ta'ala, nous installerons dans le gymnase à l'avenir pour l'Eid et madha les moments particuliers des bafs qui leur permettront à l'avenir, Inch'Allah ta'ala, de profiter de khutbatul Eid. Waffaqana Allahu wa iyyakum wa sallallahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Plusieurs frères nous informent que leurs mères sont malades et qu'ils ont des proches malades. نسأل الله عز وجل أن يشفيهم.